Livre huitième, chapitre premier. L'écu changé en feuilles sèches. Gringoire et toute la cour des miracles étaient dans une mortelle inquiétude. On ne savait depuis un grand mois ce qu'était devenu la Esmeralda, ce qui contristait fort le duc d'Égypte et ses amis les truands, ni ce qu'était devenu sa chèvre, ce qui redoublait la douleur de Gringoire. Un soir, l'Égyptienne avait disparu, et depuis lors n'avait plus donné signe de vie. Toute recherche avait été inutile. Quelques sabouleux taquins disaient à Gringoire l'avoir rencontré ce soir-là aux environs du pont Saint-Michel, s'en allant avec un officier. Mais ce mari à la mode de Bohème était un philosophe incrédule, et d'ailleurs il savait mieux que personne à quel point sa femme était vierge. Il avait pu juger quelle pudeur inexpugnable résultait des deux vertus combinées de l'amulette et de l'égyptienne, et il avait mathématiquement calculé la résistance de cette chasteté à la seconde puissance. Il était donc tranquille de ce côté. Aussi ne pouvait-il s'expliquer cette disparition. C'était un chagrin profond. Il en eût maigri si la chose eût été possible. Il en avait tout oublié, jusqu'à ses goûts littéraires, jusqu'à son grand ouvrage « De figuris regularibus et irregularibus » qu'il comptait faire imprimer au premier argent qu'il aurait. Car il radotait d'imprimerie depuis qu'il avait vu le didascalon de Hugli Saint-Victor imprimé dans les célèbres caractères de vin de lin de spire. Un jour qu'il passait tristement devant la tournelle criminelle, il aperçut quelques fous à l'une des portes du palais de justice. « Qu'est-ce là ? » demanda-t-il à un jeune homme qui en sortait. « Je ne sais pas, monsieur, » répondit le jeune homme. « On dit qu'on juge une femme qui a assassiné un gendarme. Comme il paraît qu'il y a de la sorcellerie là-dessous, l'évêque et l'official sont intervenus dans la cause. » Et mon frère, qui est archidiacre de Josas, y passe sa vie. Or, je voulais lui parler, mais je n'ai pu arriver jusqu'à lui à cause de la foule. Ce qui me contrarie fort, car j'ai besoin d'argent. Hélas, monsieur, dit Gringoire, je voudrais pouvoir vous en prêter. Mais si mes grègues sont trouées, ce n'est pas par les écus. Il n'osa pas dire au jeune homme qu'il connaissait son frère l'archidiacre, vers lequel il n'était pas retourné depuis la scène de l'église. Négligence qui l'embarrassait. L'écolier passa son chemin et Gringoire se mit à suivre la foule qui montait l'escalier de la grande chambre. Il estimait qu'il n'est rien de tel que le spectacle d'un procès criminel pour dissiper la mélancolie, tant les juges sont ordinairement d'une bêtise réjouissante. Le peuple auquel il s'était mêlé marchait et se coudoyait en silence. Après un long et insipide piétinement, sous le long couloir sombre qui serpentait dans le palais comme le canal intestinal du vieil édifice. Il parvint auprès d'une porte basse qui débouchait sur une salle que sa haute taille lui permit d'explorer du regard par-dessus les têtes ondoyantes de la cohue. La salle était vaste et sombre, ce qui la faisait paraître plus vaste encore. Le jour tombé, les longues fenêtres ogives ne laissaient plus pénétrer qu'un pâle rayon qui s'éteignait avant d'atteindre jusqu'à la voûte, énorme treillis de charpentes sculptées dont les mille figures semblaient remuer confusément dans l'ombre. Il y avait déjà plusieurs chandelles allumées çà et là sur des tables et rayonnant sur des têtes de greffiers affaissées dans des paperasses. La partie antérieure de la salle était occupée par la foule. À droite et à gauche, il y avait des hommes de robe à des tables. Au fond, sur une estrade, force juges dont les dernières rangées s'enfonçaient dans les ténèbres. Faces immobiles et sinistres. Les murs étaient semés de fleurs de lys sans nombre. On distinguait vaguement un grand Christ au-dessus des juges, et partout des piques et des hallebardes au bout desquelles la lumière des chandelles mettait des pointes de feu. « Monsieur, demanda Gringoire à l'un de ses voisins, qu'est-ce que c'est donc que toutes ces personnes rangés là-bas comme des prélats en concile. « Monsieur, dit le voisin, ce sont les conseillers de la grande chambre à droite et les conseillers des enquêtes à gauche, les maîtres en robe noire et les messires en robe rouge. » « Là, au-dessus d'eux, reprit Gringoire, qu'est-ce que c'est que ce gros rouge qui sue ? Monsieur, c'est monsieur le président. Et ses moutons derrière lui ? Poursuivit Gringoire, lequel, nous l'avons déjà dit, n'aimait pas la magistrature. Ce qui tenait peut-être à la rancune qu'il gardait au palais de justice depuis sa mésaventure dramatique. Ce sont messieurs les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi. Et devant lui ce sanglier, c'est monsieur le greffier de la cour de parlement. Et à droite ce crocodile, maître Philippe Lelier, avocat du roi extraordinaire. Et à gauche, ce gros chat noir, maître Jacques Charmolue, procureur du roi en cour d'église, avec messieurs de l'officialité. « Ah ça, monsieur, dit Gringoire, que font donc tous ces braves gens-là ? Ils jugent. Ils jugent qui ? Je ne vois pas d'accusé. C'est une femme, monsieur, vous ne pouvez la voir. Elle nous tourne le dos et elle nous est cachée par la foule. Tenez, elle est là, où vous voyez ce groupe de pertuisanes. « Qu'est-ce que c'est que cette femme ? Demanda Gringoire. « Savez-vous son nom ? Non, monsieur, je ne fais que d'arriver. Je présume seulement qu'il y a de la sorcellerie, parce que l'official assiste au procès. « Allons, dit notre philosophe, nous allons voir tous ces gens de robe manger de la chair humaine. C'est un spectacle comme un autre. « Monsieur, observa le voisin, est-ce que vous ne trouvez pas que maître Jacques Charmolue a l'air très doux ?« répondit Gringoire. Je me fie d'une douceur qui a les narines pincées et les lèvres minces. » Ici, les voisins imposèrent silence aux deux causeurs. On écoutait une déposition importante. « Messeigneurs, disait au milieu de la salle, une vieille dont le visage disparaissait tellement sous ses vêtements qu'on eût dit un morceau de guenille qui marchait. « Messeigneurs, la chose est aussi vraie qu'il est vrai que c'est moi qui suis la falourdelle, établie depuis 40 ans au Pont-Saint-Michel. Et payant exactement rente, laude et censive. La porte vis-à-vis la maison de Tassin Caillard le teinturier, qui est du côté d'Amonlot. Une pauvre vieille à présent, une jolie fille autrefois, messeigneurs. On me disait depuis quelques jours, la falourdelle ne filait pas trop votre rouet le soir, le diable aime peigner avec ses cornes la quenouille des vieilles femmes. Il est sûr que le moine bourru qui était l'an passé du côté du temple rôde maintenant dans la cité. La falourdelle, prenez garde qu'il ne cogne à votre porte. Un soir je filai mon rouet, on cogne à ma porte. Je demande qui, on jure, j'ouvre. Deux hommes entrent, un noir avec un bel officier. On ne voyait que les yeux du noir, deux braises. Tout le reste était manteau et chapeau. Voilà qu'ils me disent « La chambre à Sainte-Marthe ». C'est ma chambre d'en haut, mes seigneurs, ma plus propre. Ils me donnent un écu. Je serre l'écu dans mon tiroir et je dis « Ce sera pour acheter demain des tripes à l'écorcherie de la Gloriette ». Nous montons. Arrivés à la chambre d'en haut, pendant que je tournais le dos, l'homme noir disparaît. Cela m'ébahit un peu. L'officier, qui était beau comme un grand seigneur, redescend avec moi. Il sort. Le temps de filer un quart des chevaux, il rentre avec une belle jeune fille, une poupée qui eût brillé comme un soleil si elle eût été coiffée. Elle avait avec elle un bouc, un grand bouc noir ou blanc, je ne sais plus. Voilà qui me fait songer. La fille, cela ne me regarde pas. Mais le bouc, je n'aime pas ces bêtes-là. Elles ont une barbe et des cornes. Cela ressemble à un homme. Et puis, cela sent le samedi. Cependant, je ne dis rien. J'avais l'écu. C'est juste, n'est-ce pas, monsieur le juge ? Je fais monter la fille et le capitaine à la chambre d'en haut, et je les laisse seuls, c'est-à-dire avec le bouc. Je descends et je me remets à filer. Il faut vous dire que ma maison a un rez-de-chaussée et un premier. Elle donne par derrière sur la rivière comme les autres maisons du pont. Et la fenêtre du rez-de-chaussée et la fenêtre du premier s'ouvrent sur l'eau. J'étais donc en train de filer, Je ne sais pourquoi je pensais à ce moine bourru que le bouc m'avait remis en tête. Et puis, la belle fille était un peu farouchement attifée. Tout à coup, j'entends un cri en haut, et choir quelque chose sur le carreau, et que la fenêtre s'ouvre. Je cours à la mienne, qui est au-dessous, et je vois passer devant mes yeux une masse noire qui tombe dans l'eau. C'était un fantôme habillé en prêtre. Il faisait clair de lune, je l'ai très bien vu. Il nageait du côté de la cité. Alors, toute tremblante, j'appelle le guet. Ces messieurs de la douzaine entrent, et même dans le premier moment, ne sachant pas de quoi il s'agissait, comme ils étaient en joie, ils m'ont battu. Je leur ai expliqué. Nous montons, et qu'est-ce que nous trouvons? Ma pauvre chambre tout en sang. Le capitaine étendu de son long avec un poignard dans le cou, la fille faisant la morte, et le bouc tout effarouché. Bon, dis-je, j'en aurai pour plus de 15 jours à laver le plancher. Il faudra gratter, ce sera terrible. On a emporté l'officier, pauvre jeune homme, et la fille toute débraillée. Attendez, le pire, c'est que le lendemain, quand j'ai voulu prendre l'écu pour acheter les tripes, j'ai trouvé une feuille sèche à la place. La vieille se tut. Un murmure d'horreur circula dans l'auditoire. Ce fantôme, ce bouc, tout cela sent la magie, dit un voisin de Gringoire. Et cette feuille sèche, ajouta un autre. Nul doute, reprit un troisième. C'est une sorcière qui a des commerces avec le moine bourru pour dévaliser les officiers. Gringoire lui-même n'était pas éloigné de trouver tout cet ensemble effrayant et vraisemblable. « Femme falourdelle, dit monsieur le président avec majesté, n'avez-vous rien de plus à dire à la justice ?»« Non, monseigneur, répondit la vieille, sinon que dans le rapport, on a traité ma maison de masure tortue et puante, ce qui est outrageusement parlé. Les maisons du pont n'ont pas grande mine, parce qu'il y a foison de peuple, mais néanmoins, les bouchers ne laissent pas d'y demeurer, qui sont des gens riches et mariés à de belles femmes fort propres. » Le magistrat qui avait fait à Gringoire l'effet d'un crocodile se leva. « Paix, dit-il, je prie messieurs de ne pas perdre de vue qu'on a trouvé un poignard sur l'accusé. Femme falourdelle, avez-vous apporté cette feuille sèche en laquelle s'est transformé l'écu que le démon vous avait donné ?»« Oui, monseigneur, répondit-elle. Je l'ai retrouvée, la voici. » Un huissier transmit la feuille morte au crocodile, qui fit un signe de tête lugubre, et la passa au président, qui la renvoya au procureur du roi en cour d'église, de façon qu'elle fit le tour de la salle. « C'est une feuille de bouleau, dit maître Jacques Charmolue. Nouvelle preuve de la magie. » Un conseiller prit la parole. « Témoin, deux hommes sont montés en même temps chez vous. L'homme noir que vous avez vu d'abord disparaître, puis nager en scène avec des habits de prêtre, et l'officier. Lequel des deux vous a remis l'écu ?» La vieille réfléchit un moment et dit « C'est l'officier !» Une rumeur parcourut la foule. « Ah ! Pensa Gringoire, voilà qui fait hésiter ma conviction. » Cependant, maître Philippe Lelier, l'avocat extraordinaire du roi, intervint de nouveau. Je rappelle à messieurs que dans sa déposition écrite à son chevet, l'officier assassiné, en déclarant qu'il avait eu vaguement la pensée au moment où l'homme noir l'avait accosté, que ce pourrait fort bien être le moine bourru, ajoutait que le fantôme l'avait vivement pressé de s'aller accointer avec l'accusé, et sur l'observation de lui, capitaine, qu'il était sans argent, lui avait donné l'écu dont le dit officier a payé la falourdelle. Donc, l'écu est une monnaie de l'enfer. Cette observation concluante parut dissiper tous les doutes de Gringoire et des autres sceptiques de l'auditoire. « Messieurs ont le dossier des pièces, » ajouta l'avocat du roi en s'asseyant. Ils peuvent consulter le dire de Phébus de Châteaupers. » À ce nom, l'accusé se leva. Sa tête dépassa la foule. Gringoire, épouvanté, reconnut la Esmeralda. Elle était pâle. Ses cheveux, autrefois si gracieusement nattés et pailletés de sequins, tombaient en désordre. Ses lèvres étaient bleues, ses yeux creux effrayés. Hélas! Phébus, dit-elle avec égarement, où est-il? Ô mes seigneurs, avant de me tuer par grâce, dites-moi s'il vit encore. Où est-il? Taisez-vous, femme, répondit le président. Ce n'est pas là notre affaire. Ô par pitié, dites-moi s'il est vivant, reprit-elle en joignant ses belles mains amaigries, et l'on entendait ses chaînes frissonner le long de sa robe. Eh bien, dit sèchement l'avocat du roi, il se meurt, êtes-vous contente? La malheureuse retomba sur sa sellette, sans voix, sans larmes, blanche comme une figure de cire. Le président se baissa vers un homme placé à ses pieds, qui avait un bonnet d'or et une robe noire, une chaîne au cou et une verge à la main. Huissier, introduisez la seconde accusée. Tous les yeux se tournèrent vers une petite porte qui s'ouvrit, et à la grande palpitation de Gringoire, donna passage à une jolie chèvre, aux cornes et aux pieds d'or. L'élégante bête s'arrêta un moment sur le seuil, tendant le cou, comme si dressée à la pointe d'une roche, elle eut sous les yeux un immense horizon. Tout à coup, elle aperçut la bohémienne, et sautant par-dessus la table et la tête d'un greffier, en de bons elle fut à ses genoux. Puis elle se roula gracieusement sur les pieds de sa maîtresse, sollicitant un mot ou une caresse. Mais l'accusée resta immobile, et la pauvre Djali elle-même n'eut pas un regard. « Aimé, c'est ma vilaine bête !» dit la vieille Falourdel. « Et je les reconnais bellement toutes deux !» Jacques Charmolue intervint. « S'il plaît à messieurs, nous procéderons à l'interrogatoire de la chèvre. » C'était en effet la seconde accusée. Rien de plus simple alors qu'un procès de sorcellerie intenté à un animal. On trouve entre autres dans les contes de la prévôté pour 1466 un curieux détail des frais du procès de Gilles et Soulard et de sa truie, exécutés pour leur démérite, à Corbeil. Tout y est, le coup des fosses pour mettre la truie, les 500 bourrées de cotterets pris sur le port de Morsan, les 3 pintes de vin et le pain, dernier repas du patient fraternellement partagé par le bourreau, jusqu'aux 11 jours de garde et de nourriture de la truie à 8 deniers parisis chaque. Quelquefois même, on allait plus loin que les bêtes. Les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire infligent de graves peines aux fantômes enflammés qui se permettraient de paraître dans l'air. Cependant, le procureur en cour d'église s'était écrié: si le démon qui possède cette chèvre et qui a résisté à tous les exorcismes persiste dans ses maléfices, s'il en épouvante la cour, nous le prévenons que nous serons forcés de requérir contre lui le gibet ou le bûcher. Gringoire eut la sueur froide. Charmolue prit sur une table le tambour de basque de la bohémienne, et le présentant d'une certaine façon à la chèvre, il lui demanda: quelle heure est-il? La chèvre le regarda d'un œil intelligent, leva son pied doré et frappa 7 coups. Il était en effet 7 heures. Un mouvement de terreur parcourut la foule. Gringoire n'y put tenir. « Elle se perd » cria-t-il tout haut. « Vous voyez bien qu'elle ne sait ce qu'elle fait. »« Silence, au manant au bout de la salle !» dit aigrement l'huissier. Jacques Charmolue, à l'aide des mêmes manœuvres du tambourin, fit faire à la chèvre plusieurs autres momeries sur la date du jour, le mois de l'année, etc., dont le lecteur a déjà été témoin. et par une illusion d'optique propre au débat judiciaire, ces mêmes spectateurs, qui peut-être avaient plus d'une fois applaudi dans le carrefour aux innocentes malices de Djali, en furent effrayés sous les voûtes du palais de justice. La chèvre était décidément le diable. Ce fut pis encore quand le procureur du roi, ayant vidé sur le carreau un certain sac de cuir plein de lettres mobiles que Djali avait au cou, on vit la chèvre extraire avec sa patte de l'alphabet épars ce nom fatal, Phébus. Les sortilèges dont le capitaine avait été victime parurent irrésistiblement démontrés, et aux yeux de tous, la bohémienne, cette ravissante danseuse qui avait tant de fois ébloui les passants de sa grâce, ne fut plus qu'une effroyable strige. Du reste, elle ne donnait aucun signe de vie. Ni les gracieuses évolutions de Djali, ni les menaces du parquet, ni les sourdes imprécations de l'auditoire, rien n'arrivait plus à sa pensée. Il fallut pour la réveiller qu'un sergent la secoua sans pitié et que le président éleva solennellement la voix. « Fille, vous êtes de race bohème, adonnée au maléfice. Vous avez de complicité avec la chèvre ensorcelée impliquée au procès, dans la nuit du 29 mars dernier, meurtrie et poignardée, de concert avec les puissances de ténèbres, à l'aide de charmes et de pratiques, un capitaine des archers de l'ordonnance du roi, Phébus de Châteaupers. Persistez-vous, Agnès. » Horreur ! Cria la jeune fille en cachant son visage de ses mains. Mon Phébus ! Oh, c'est l'enfer ! Persistez-vous, Agnès ! Demanda froidement le président. Si, je le nie ! Dit-elle avec un accent terrible. Et elle s'était levée, et son œil étincelait. Le président continua carrément. « Alors, comment expliquez-vous les faits à votre charge ?» Elle répondit d'une voix entrecoupée. « Je l'ai déjà dit, je ne sais pas. C'est un prêtre que je ne connais pas, un prêtre infernal qui me poursuit. » « C'est cela, reprit le juge, le moine bourru. « Oh, mes seigneurs, ayez pitié, je ne suis qu'une pauvre fille d'Égypte, dit le juge. » Maître Jacques Charmolue prit la parole avec douceur. Attendu l'obstination douloureuse de l'accusé, je requiers l'application de la question. Accordé, dit le président. La malheureuse frémit de tout son corps. Elle se leva pourtant à l'ordre des pertuisaniers et marcha d'un pas assez ferme, précédée de Charmolue et des prêtres de l'officialité, entre deux rangs de hallebardes, vers une porte bâtarde qui s'ouvrit subitement et se referma sur elle, ce qui fit au triste Gringoire l'effet d'une gueule horrible qui venait de la dévorer. Quand elle disparut, on entendit un bêlement plaintif. C'était la petite chèvre qui pleurait. L'audience fut suspendue. Un conseiller ayant fait observer que messieurs étaient fatigués et que ce serait bien long d'attendre jusqu'à la fin de la torture. Le président répondit qu'un magistrat doit savoir se sacrifier à son devoir. « La fâcheuse et déplaisante drôlesse !» dit un vieux juge, « qui se fait donner la question quand on n'a pas soupé !»